بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours 16 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh Rasulullah Abbas, حفظه الله تعالى, qui est un des mashaykh qui enseigne à l'université de Umm al-Qura à Mecca et qui enseigne aussi à Al-Masjid al-Haram. Donc, maintenant, on est toujours dans le chapitre au sujet des méfaits du ta'assub al-madhhabi, les méfaits du fanatisme et l'attachement aveugle aux écoles de fiqh. Et on a mentionné plusieurs méfaits jusqu'à date. Et donc, on continue dans ces exemples que le cheikh a mentionnés. Il dit « وَمِنْ فَضَائِحِ التَّعَصُّبُ الْمَذْهَبِي » Attendez, je m'excuse, hein. J'avais écrit le cours 16, mais c'est le cours 17 en réalité. Donc, je me suis trompé là, désolé pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est le cours 17. Et donc, on continue dans les exemples qu'on était en train de mentionner au dernier cours. Et dans le dernier cours, on mentionnait justement, parmi les exemples que le cheikh, il mentionnait, c'est, si je me souviens bien, on disait que certains parmi les gens qui sont tombés justement dans At-Ta'assub, ils délaissent les hadiths authentiques. Hein? Ils délaissent les hadiths authentiques pour suivre leur madhab. Donc, si on leur présente des preuves authentiques qui montrent, hein, qu'est-ce qu'on doit faire, ou comment on doit faire telle ou telle chose, ou qu'est-ce qui a rapport avec les questions de qu'est-ce qui est permis ou de qu'est-ce qui n'est pas permis. Hein? Eh bien, si on présente à certaines personnes des preuves à ce sujet, eux, ils vont s'objecter ou refuser de suivre le dalil et le hadith qui est authentique et clair en disant que eux, ils se basent sur, hein, le madhab et ils suivent leur imam aveuglément. Et ça, c'est totalement inacceptable, et on en a donné beaucoup d'exemples à ce sujet. Et on continue donc pour terminer ce point que le cheikh a mentionné. Il cite parmi les paroles des ulama à ce sujet-là des exemples de cas, hein, où on a vu par exemple comment certains refusent ou n'acceptent pas les adillah et ils se basent sur le ta'assub ou le taqlid pour justifier le fait de rester sur la position de leur madhab. Et comment parfois même ils vont essayer jusqu'à déformer le sens des hadiths authentiques ou essayer de les réinterpréter d'une manière un peu tordue, comme on dit, hein, pour essayer d'arriver à faire en sorte que le hadith soit en accord avec ce qu'ils pensent, même si leur interprétation est complètement éloignée de la signification réelle de ce que le hadith signifie. Donc, ici maintenant, le cheikh il mentionne un autre exemple. Il dit « Wa min al-muta'akhirin, al-allama Mula Ali al-Qari al-Hanafi, qal, wa qad arghab al-Kaydaniyu, haythu qal, al-ashiru min al-muharramat, al-isharatu bis-sabbabati, ka ahli al-hadith, ay, mithlu jama'atin, yajma'uhum al-ilm bi-hadith al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشأه الجهل بقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا وارتداده صريحا فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله مما كاد نقله أن يكون متواترا ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا يعني والحال أن الإمام الأعظم والهمام الأقدم قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من القياس الجلي في المسألة إلى آخر ما قاله وأورده السيد رشيد رضا في مقدمة المغني. Donc ici le cheikh il cite donc cette parole de Moula Ali al-Qari al-Hanafi, qui cite une parole qui a été mentionnée par un autre savant Hanafi qui s'appelle Al-Kaidani. Et il mentionne une parole étrange de sa part lorsqu'il dit, par rapport à la dixième chose qui font partie des choses interdites, le fait de pointer avec le doigt lorsqu'on fait le tashahhud, ou bien de pointer avec as-sabab de façon générale. Dans l'islam, on sait que souvent quand on dit le shahada, ashhadu an la ilaha illallah, on pointe avec le doigt ou avec l'index. Et ça, c'est quelque chose qui est connu dans la sunna. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Hajjatul Wada', il s'adressait aux compagnons, il faisait sa khutbah, il faisait son discours, et il disait, hal ballagt, est-ce que j'ai transmis le message? Et les sahaba répondaient, na'am, qad ballagta wa nasahta. Alors, il pointait vers les sahaba, puis il pointait vers le ciel et il disait, Allahumma shhad. C'est-à-dire, oh Allah, sois témoin, oh Allah, témoigne. Donc, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pointait vers le ciel, hein, vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Et ça, c'est parmi les preuves même que les ulama ont mentionné au sujet de l'istiwa, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'on affirme cela dans la sunna. Par contre, les gens, par exemple, qui font partie des Asha'ira ou des Maturidiyya parmi les Ahnaf, eh bien, eux, ils refusent d'affirmer l'istiwa de cette façon et par conséquent, ils renient le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création et certains d'entre eux même, ils considèrent que on ne doit pas justement pointer vers le ciel pour indiquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont même dit, si tu vois quelqu'un qui pointe vers Allah en pointant vers le ciel, tu dois lui couper son doigt. Hein? Certains ont dit des paroles comme ça, par exemple. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est grave. Et comme le cheikh ici, il mentionne cette personne ici qui dit, Al-Kaidani, qui dit que parmi les choses interdites, il mentionne la dixième, il dit le fait de pointer avec le doigt ou d'indiquer avec le doigt. Et le cheikh, il dit d'indiquer avec le doigt comme le font les gens du hadith. Hein? Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a un groupe parmi les gens qui sont réunis autour de la science du hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam et ils considèrent que ça c'est haram de pointer avec le doigt alors que les gens du hadith, ils le font. Donc s'ils sont réunis autour de la science du hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils font cette chose-là et que c'est basé sur le hadith, comment lui peut prétendre que ça fait partie des choses interdites? Donc ça fait pas de sens. Et ici le cheikh il dit ça c'est une grave erreur de sa part, hein, et c'est une grande erreur de penser que cette chose-là c'est parmi les interdictions. Et il dit si on pensait pas du bien de lui et qu'on n'aurait pas interprété sa parole autrement, eh bien, on pourrait même arriver jusqu'à penser que ça, c'est une forme de mécréance claire et explicite, hein, et même une forme d'apostasie. Parce que de qualifier quelque chose qui fait clairement partie de la sunna et de dire que c'est quelque chose qui est interdit, c'est comme si on rejette la sunna. Et le cheikh, il dit, c'est pratiquement quelque chose qui a atteint le degré de tawatur. C'est-à-dire, mutawatir, on dit mutawatir lorsque quelque chose est rapporté par tellement de rapporteurs que c'est impossible que ce ne soit pas vrai. Hein? Et ça fait partie donc de ces exemples-là. Et il dit que les savants, les grands, se sont rapportés cette chose-là de génération en génération parmi les grands savants. Et donc, personne ne peut donc se permettre de rejeter cela par orgueil ou par arrogance. Et même que le grand imam, c'est-à-dire Abu Hanifa, celui à qui les Ahnaf se réfèrent, Abu Hanifa, rahimahullah, il lui-même disait qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prendre notre parole ou notre position tant qu'il n'a pas connu d'où nous avons pris cette position dans le Coran, dans la Sunna, dans le consensus de la Ummah et dans l'analogie qui est clair à propos d'une question quelconque, telle qu'il l'a dit lui-même. Et cette parole, elle a été également citée comme exemple par Rachid Reda dans Muqaddimat al-Mughni, l'introduction de al-Mughni. Ensuite, il cite une autre parole d'un autre savant. Il dit قال العلامة عبد الحي الكنوي تفرق الناس من قديم الزمان إلى هذا الأوان في هذا الباب إلى فرقتين فطائفة قد تعصبوا إلى الحنفية تعصبا شديدا أو التزموا بما في الفتاوى إلزاما شديدا وإن وجدوا حديثا صحيحا أو أثرا صريحا على خلافه زعموا أنه لو كان المذهب صحيحا لأخذ به صاحب المذهب لو كان المذهب صحيحا لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله. Donc ici le cheikh il mentionne la parole de ce savant qui est Abd al-Hayy al-Kanwi. Il dit que les gens se sont divisés depuis très longtemps, jusqu'à notre époque, il parle de son époque à lui, à propos de la question du ta'assub al-madhhabi. Ils se sont divisés en deux groupes. Et il dit, le premier groupe, ils se sont attachés fanatiquement au madhhab al-Hanafi, et ils se sont attachés fanatiquement, mais de façon très forte et très grande, à ce madhhab de façon fanatique, et ils se sont également attachés aux fatwas de ce madhhab d'une manière très très très forte également. Et s'ils trouvent un hadith authentique ou une narration authentique qui va en contradiction avec le madhhab, eh bien ils se disent que si c'était authentique, eh bien le savant du madhhab, c'est-à-dire Abu Hanifa, eh bien, il n'aurait pas délaissé ce hadith-là s'il savait qu'il est authentique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, si l'imam ne l'a pas pris, ça veut dire que le hadith ne devrait pas être authentique, sinon il ne l'aurait pas délaissé. Et par conséquent, ça veut dire que tout ce qui est contraire à leur madhhab, ils vont le rejeter, même si c'est un hadith authentique. Et ça, en même temps, c'est la preuve que ces gens-là sont complètement ignorants de la réalité de la position de l'imam Abu Hanifa lui-même, puisque on a rapporté de plusieurs narrations de la part de l'imam Abu Hanifa qui disait lui-même qu'il fallait donner précédence aux hadiths et aux narrations sur sa propre parole à lui, et que si on trouve une parole ou si on trouve un hadith ou une narration qui contredit son madhhab, il a dit laissez ma parole et suivez le hadith. Idha sah al hadith fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors c'est ça mon madhhab. Donc le madhhab de Abu Hanifa, pour quelqu'un qui connaît comme il faut la vraie position de Abu Hanifa, eh bien c'est de suivre le hadith authentique. Donc si toi tu trouves un hadith authentique qui contredit ce que le madhhab de Abu Hanifa enseigne, eh bien laisse tomber ce que le madhhab enseigne et suis le hadith, et par conséquent tu auras suivi le madhhab de Abu Hanifa en réalité dans ce cas-là. Et c'est la même chose pour le madhhab des autres imams aussi. Et le cheikh il dit, parmi les exemples aussi, parmi les méfaits du ta'assub al-madhhabi, il dit wa min masawi at-ta'assub annahu bid'atun muhdathatun fi ad-din. Donc il dit, parmi les méfaits du fanatisme à l'attachement à une école de fiqh quelconque, c'est que c'est une innovation, quelque chose qui est inventé dans la religion. Et le cheikh, il cite ici une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah à ce sujet-là. Il dit وَسَمَّ Ibn al-Qayyim rahimahullah التَّعَصُّبُ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ بِدْعَةً مُحْدَثَةً وَهِيَ بِدْعَةٌ وَلَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّ شَيْئًا لَمْ يُوجِبْهُ لم يوجبه الله ورسوله يوجبه المسلم على نفسه أو غيره فقد أتى ببدعة. Il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il a nommer le fait de s'attacher fanatiquement à un individu en particulier, que ça c'est une innovation et quelque chose d'inventé dans la religion. Et il dit, c'est une bid'a, il n'y a pas de doute à ce sujet, car toute chose que quelqu'un rend obligatoire, alors que Allah et son messager ne l'ont pas rendu obligatoire, eh bien, celui qui fait ça, en le rendant obligatoire pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, alors il a inventé quelque chose de nouveau dans la religion, il a innové. Hein? Et si c'est le cas pour quelqu'un qui s'attache fanatiquement à la position d'un imam parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a, qui sont sur la Aqidah et le Manhaj et la voie des Salafs, comme les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. Si c'est le cas de celui qui prend un de ces quatre imams-là, hein, comme un exemple, et qui s'attache fanatiquement à tout ce qu'il y a dans ses positions, que de le suivre de cette façon fanatique, ça c'est une bid'ah, que dire alors de la personne qui s'attache fanatiquement à la position d'un égaré ou à la position des propos ou des paroles d'un cheikh parmi les shuyukh des turq de bid'a et des turq soufiya ou bien des différentes jama'at qui existent actuellement, hein? Que ce soit l'Ikhwan al-Muslimoun ou bien Jama'at al-Tabligh ou d'autres groupes parmi les groupes d'égarement qui existent actuellement. Donc, Si c'est le cas que de suivre un imam parmi les imams de Ahl Sunnah et de le suivre fanatiquement et de s'attacher aveuglément à tout ce qu'il dit, c'est une bid'a, que dire de celui qui suit quelqu'un qui est déjà à la base sur la bid'a, hein, et qui oppose la Sunnah et que ces gens-là s'attachent fanatiquement à leurs propos, c'est encore plus grave dans l'égarement et c'est une plus grande bid'a encore. Et le cheikh, il dit donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin, il dit: inna na'lamu bid-darurati annahu lam yakun fi 'asr as-sahabati rajulun wahidun ittakhadha rajulan minhum yuqalliduhu fi jami'i aqwalihi falam yasqut minha shay'a aw falam yusqit minha shay'a wa asqata aqwala ghayrihi falam ya'khudh minha shay'a. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين في عصر التابعين ولا تابع التابعين فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال ويحرمونها ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على خطر عظيم ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه ما قال على الله وما يعلم فيه ما قال على الله ما لم يعلم أنه لم يكن على شيء. Donc ici le cheikh il explique que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit: nous savons par nécessité que il n'y avait pas quelqu'un à l'époque des sahaba qui suivait une personne et qui prenait tout ce qu'il disait dans toutes ses positions et qui faisait tomber les paroles de tous les autres. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé à l'époque des sahaba un d'entre eux qui prenait la parole d'une personne dans tout ce qu'il disait sans rien laisser et qui laissait la position de tous les autres. Excepté à propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est seulement le messager d'Allah, on a le droit de faire ça avec lui. Mais en dehors du messager d'Allah, on n'a pas le droit d'agir comme ça avec un d'entre les hommes. Et il dit, de même que nous savons par nécessité que même à l'époque des tabi'in, les tabi'in c'est les élèves des sahaba, ceux qui ont étudié avec les sahaba, même à l'époque des tabi'in, il n'y en a aucun d'entre eux qui a fait ça, ni même à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire ni même à l'époque des élèves des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des élèves des sahaba. Il n'y avait personne qui agissait de cette manière, c'est-à-dire de prendre uniquement de la part d'une seule personne tout ce qu'il dit et de délaisser la parole de tous les autres savants ou de tous les autres ulama ou de tous les autres sahaba. Donc il dit que les gens qui suivent aveuglément et qui font le taqlid, qu'ils nous démentent en amenant une preuve qui supporterait leur idée qu'il est permis de suivre suivre cette méthodologie ou cette voie qui est mauvaise et qu'ils ont eux-mêmes empruntée à l'époque des trois meilleures générations ou par la langue du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que cette innovation et cette bid'a, elle n'est apparue qu'à partir du 4e siècle, qui a été blâmée par la langue du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui suivent aveuglément et qui font le taqlid et qui suivent ceux qu'ils ont adoptés comme exemple ou comme ceux qu'ils ont suivis dans tout ce qu'ils disent, ils rendent, en se basant sur ça, ils rendent halal les parties intimes, le sang et les biens des personnes, ou bien ils les rendent illicites. Et ils ne savent pas du tout si la position qu'ils adoptent sur ces sujets-là est correcte ou erronée, et ils sont donc par conséquent dans une situation très dangereuse. Parce que lorsqu'ils vont arriver devant Allah, ils auront une position très grave et très difficile à faire face parce qu'ils savent qu'ils ont dit à propos d'Allah ce dont ils n'avaient aucune connaissance ils vont savoir donc ce jour-là qu'ils ne se tenaient sur rien. Donc ça nous montre à quel point c'est grave d'adopter ce genre d'attitude. Ensuite, il dit, le cheikh Rasulullah, il dit « وَلَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ فِي مَسْأَلَةِ التَّقْلِيدِ وَالتَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِ وَكِتَابُهُ إِعْلَامَ الْمُوَقِّعِينَ وَاجْتِمَاعُ الْجُيُوشِ فِي هَذَا الْبَابِ أَجْمَعَ كُتُبِ وَنَهِيبُ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي يُقَدِّرُ أو يقدر على فهم هذه المسألة أن يجعل هذين الكتابين وجمع كتبه وكتب شيخه العبقري ابن تيمية السلفي يعني أن يجعل هذين الكتابين وجمع كتبه وكتب شيخه العبقري ابن تيمية السلفي لصيق فؤاده وجليس نفسه وأنيس مجالسه. Donc ici le cheikh il dit que également Ibn al-Qayyim il a beaucoup d'autres paroles au sujet du taqlid et au sujet du fanatisme envers les écoles de fiqh, et il a un livre qui s'appelle I'lam al-Waqi'in. Ce livre-là, il en parle beaucoup. Il a expliqué beaucoup de choses à ce sujet. Et un autre livre aussi, parmi les livres qu'il a écrit, qui s'appelle « Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya ». Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, c'est-à-dire le rassemblement des troupes ou des armées musulmanes ou islamiques. Et c'est des livres de réfutation en général qui réfutent les positions des innovateurs sur certains sujets. Et parmi les sujets qui sont mentionnés dedans, c'est justement At-Ta'assub, Al-Madhhabi et At-Taqlid. Et il dit que, donc, on rappelle aux musulmans et on incite les musulmans qui sont capables d'avoir la compréhension de ces livres-là, de se les procurer, de se procurer ces deux livres et de réunir et de rassembler tous ces autres livres également, ainsi que les livres de son cheikh Al-Abqari, Ibn Taymiyyah, et de les garder proches de son cœur et de les garder à côté de lui pour qu'il, lorsqu'il s'assoit, qu'il puisse les lire et qu'il les étudie de façon constante, parce que ce sont des livres qui renferment beaucoup de sciences et de connaissances et de compréhensions qui sont extrêmement importantes pour les musulmans. Il dit ensuite, parmi les exemples des méfaits du ta'assub al-madhhabi, il mentionne un autre exemple ici, il dit وَمِنْ مَسَاوِ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِ الْإِسْتِدْلَالُ بِلَحَادِثِ الضَّعِيفَةِ نُسْرَةً وَتَأْيِيدًا لِلْمَذْهَبِ. C'est-à-dire, le fait d'utiliser des hadiths qui sont faibles et pour défendre et pour supporter sa position ou pour supporter son madhab. Donc il y a des gens qui adoptent cette méthodologie-là ou qui adoptent cette attitude-là. Ils veulent à tout prix avoir raison et défendre leur madhab et montrer que leur madhab, c'est lui qui est meilleur que tous les autres. Alors pour y arriver, non seulement ils vont rejeter les hadiths authentiques, mais en plus ils vont se baser sur des hadiths qui sont faibles pour essayer de supporter leur position. Et le cheikh, il mentionne ici une parole de Ibn Taymiyyah. Il dit « وقال شيخ الإسلام والحديث الذي يرويه زيد العمي أو العمي عن أنس بن مالك قال إن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المتم على المقصر وهذا كذب بلا ريب يعني زيد العمي متفق ممن اتفق العلماء على أنه متروك والثابت عن أنس إنما هو في الصوم مما يبين ذلك أنهم في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون فرادة بل كانوا يصلون بصلاته خلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر ولهذا فهذا الحديث من الكذب وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكره أنكر عليه فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر فمن سلك هذه السبل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق كما يفعل من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذي ينصره سبحان الله كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر الطحاوي مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي ولكن البيهقي ينقل الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. Donc ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, voici ce qu'il dit. Et ça, c'est tiré de son Majmou' al-Fatawa. Il dit ici que le hadith qui est rapporté par Zayd al-Ammi, selon Anas ibn Malik, et ce hadith, c'est le suivant en fait. Et ça, c'est un hadith qui est da'if, mais le Cheikh, il le mentionne comme un exemple ici. Il dit que nous, les compagnons du messager d'Allah, lorsque nous voyagions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi nous pouvaient être en train de jeûner et d'autres ne jeûnaient pas. Et certains parmi nous, on complétait notre prière, on faisait notre prière, c'est-à-dire complète, c'est-à-dire si c'est une prière comme Zohr ou Asr ou Isha, il la faisait 4 rak'at et d'autres qui raccourcissaient. Faisait 2 rak'at. Et il dit, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne blâmait pas ni celui qui jeûnait de celui qui jeûnait pas, et il ne blâmait pas non plus celui qui raccourcissait de celui qui complétait. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, il n'y a pas de doute que ça, c'est un mensonge. Et il dit, déjà, Zayd al-Ami, c'est un rapporteur, tous les savants sont d'accord pour dire qu'il est matrouk. Il est délaissé comme rapporteur. Et il dit, et qu'est-ce qui est authentique à ce sujet-là, selon Anas, c'est uniquement à propos du jeûne et non pas à propos de la prière ou du raccourcissement de la prière. Il dit, parce que parmi les choses qui prouvent même et qui indiquent que ce hadith-là est un mensonge, c'est que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient en voyage avec le messager d'Allah, ils ne priaient pas individuellement. Il priait en groupe. Alors comment il pouvait dire qu'il ne blâmait pas ceux qui complétaient de ceux qui raccourcissaient. S'ils prient tous avec le messager d'Allah, ils vont tous prier en même temps. Hein? Et il dit, quand ils priaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, ils priaient tous en groupe. Et la prière en groupe, c'est elle qu'on raccourcit. On ne raccourcit pas la prière surérogatoire. Hein? Et donc, il dit, ils priaient tous la même prière que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, contrairement au jeûne. Parce que le jeûne, ça, c'est possible. C'est individuel. Hein? Donc, certains pouvaient jeûner, certains ne pouvaient ne pas jeûner. Donc, ce hadith est un hadith mensonger. Et il dit, même si l'imam al-Bayhaqi a rapporté ce hadith-là, ça fait partie des choses qui lui ont été reprochées. Hein? Et les savants ont vu que, parfois, il n'était pas juste envers les hadiths qu'il rapportait. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait rapporté, ce même hadith-là, eh bien, il aurait mentionné, hein, et clarifié sa faiblesse. Et il aurait critiqué, hein, le fait d'avoir cité ce hadith-là. Mais lorsqu'il le rapporte pour défendre sa position ou son madhhab, il l'utilise. Hein? Alors il dit, et qu'est-ce qui l'a fait tomber dans ce genre d'erreur, alors que c'est quelqu'un qui a de la science et qui a de la religion, qui a de la piété? C'est ce qui a fait tomber beaucoup de ses semblables dans ce genre d'erreur, qui veulent, en utilisant les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, essayer de supporter la position d'un parmi les savants en dehors des autres. Et donc, il dit, ceux qui emploient ou qui ont emprunté ces méthodes-là, eh bien, leur argument, elle est détruite, elle n'est pas solide. Et on voit apparaître cette sorte de fanatisme, hein, et de vouloir défendre des choses de façon injuste, hein, comme le font certains qui rassemblent des narrations et qui les interprètent dans plusieurs endroits d'une manière qui montre clairement la corruption de l'interprétation de la personne, parce qu'il veut uniquement défendre ou supporter la position qu'il a adoptée. Et, mashallah, wa alaykum salam wa rahmatullah, Abdul Hakim, tu m'as dépassé, hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'as dépassé, parce que moi, je voulais être le premier à te visiter. Et là, tu m'as visité en premier, Allah al-Musta'an. Aujourd'hui, الحمد لله انا بخير الحمد لله انت بخير ما شاء الله ها رايت كيف شفت ها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جي بيردو كاسه الحمد لله احسن بكثير متى ياتي محمد ربما في نهايه الشهر اوكي انا احيانا اكلمه على الواتساب نعم ما شاء الله السلام عليكم كيف حالك أنت بخير كيف صحتك أنا بخير الحمد لله بارك الله فيك ما شاء الله زيارة مباركة فرحت ما شاء الله نراك إن شاء الله بارك الله فيك donc pour terminer cette citation de Cheikh al-Islam il dit que il dit c'est exactement ce que faisaient, hein, les compagnons ou bien plutôt la personne qui le grand alim, le grand savant qui a écrit le livre Sharh al-Athar, qui est Abu Ja'far al-Tahawi, un grand savant parmi les savants, sauf que, hein, il a agi de cette manière lui aussi. Là, il ramène des narrations et les interprète d'une manière, hein, qui est incorrecte pour supporter la position qu'il a adoptée sur certains sujets. Et il dit que malgré qu'il rapporte plus de narrations que ce que Al-Bayhaqi a rapporté, sauf que Al-Bayhaqi, lui, il il distingue entre les narrations par rapport aux hadiths, ceux d'entre les hadiths qui sont authentiques de ce qui n'est pas authentique. Il fait la distinction, c'est-à-dire il mentionne ça c'est authentique, ça c'est pas authentique. C'est-à-dire Al-Bayhaqi, il fait ça. Tandis que Al-Tahawi, il rapporte beaucoup, mais il fait moins cette distinction-là entre les narrations. Donc ça, c'est hein, les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici. Puis après, Cheikh Wasiullah, Hafidahullah, il dit « Wa kana yuqalu » Donc on a fini la citation de Cheikh al-Islam. Et là, le Cheikh Wasiullah, il dit « Wa kana yuqal fi istidlalihim » بأن الأحاديث الضعيفة إنها عندهم صحيحة وكان ينقل هذا القول ولكن يمنع من هذا أنهم صححوا أحاديث جاءت من طرق الرواة ضعفاء ثم إذا جاءت روايات مخالفة للمذهب من الرواة أنفسهم يضاعفون تلك الأحاديث أما إذا لم يكن الأمر بالتطفيف بالكيل فالقائل معذور ومن أراد التوسع في النظر في استدلال الفقهاء بالأحاديث الضعيفة فلينظر إلى الكتب التي اعتنى أصحابها بتخريج أحاديث الكتب الفقهية من المذاهب. Donc il dit ici le cheikh que يعني on pourrait dire que par exemple en ce qui concerne le fait d'utiliser comme preuve des hadiths qui sont authentiques qui ne sont pas authentiques ou des hadiths qui sont faibles, que pour eux, ce sont des hadiths authentiques. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver une excuse pour ces savants-là en disant « Ouais, mais yani, s'ils les ont déclarés authentiques, c'est parce que ces hadiths-là, pour eux, c'était des hadiths authentiques. » Ok, on pourrait peut-être dire ça. Le cheikh dit « On pourrait quand même leur donner cette excuse-là. » Sauf que il y a quelque chose qui empêche d'appliquer cette excuse-là dans leur cas. Et c'est quoi cet exemple de ce qui empêche d'appliquer cet exemple dans leur cas? C'est que si on acceptait cette parole, hein, ça pourrait être valable. Ça peut arriver que des fois, un savant, il rend, par exemple, authentique un hadith que d'autres savants ont déclaré faible parce que, par exemple, il a trouvé des éléments qui permettent de renforcer l'authenticité du hadith en question, par exemple. Ça peut arriver. Sauf que, ici, le cheikh, il dit, sauf que eux, ils ont authentifié des hadiths qui sont venus par des voix ou des narrateurs qui sont faibles. Et lorsque ces narrations-là, qui sont en contradiction avec leur madhab, sont venues de la part des mêmes, hein, des mêmes narrateurs eux-mêmes, ils les ont déclarés faibles. Donc, si c'était une règle qu'ils suivaient, qui était constante, on dirait, oui, d'accord, ils ont authentifié ce hadith-là, alors que d'autres l'ont déclaré faible. Mais là, des hadiths que eux-mêmes ils ont considérés authentiques, lorsqu'ils le trouvent en train de rapporter un hadith qui est en contradiction avec leur madhhab, ils le déclarent faible, alors que quand c'est en accord avec leur madhhab, ils le déclarent authentique. Ça, c'est une contradiction, ce n'est pas une attitude honnête. D'agir comme ça, ce n'est pas correct. Et le cheikh, il dit ici que ça fait partie de At-Tatfif Bil-Kayl. At-Tatfif Bil-Kayl, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu joues avec la balance. C'est-à-dire ta balance... Hein, tu joues avec pour que ce soit toujours en ton avantage. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Mutaffifin, وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. C'est-à-dire que quand tu pèses en ta faveur pour toi, tu mets le bon poids. Mais quand tu pèses pour les autres, hein, tu les fais perdre. Hein, tu leur donnes moins que qu'est-ce qui leur revient. Donc c'est ça, At-Tatfif Bil-Kayl. Donc, si ce n'était pas cette attitude-là, on pourrait leur donner l'excuse. Mais là, ce n'est pas le cas. Quand le hadith est en leur avantage, ils le déclarent authentique, même s'il est faible. Et quand c'est le hadith qui est rapporté par les mêmes rapporteurs qui rapportent un hadith qui est contraire à leur madhab, ils le déclarent faible. Alors, ça, c'est comme si tu pèses avec deux balances différentes. Et donc, il dit, si vous voulez avoir plus de détails dans ces questions-là, pour regarder dans les questions qui ont rapport avec l'istidlal des fuqaha, qui se base sur des hadiths faibles, eh bien, regardez dans les livres de chaque madhab. Il y a dans chaque madhab des hadiths de fiqh, hein, des hadiths qui sont mentionnés dans les livres de fiqh. Et dans chacun de ces madhab, il y a des savants qui ont fait le tahrij des hadiths de ces livres-là. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans le madhab al-Shafi'i, ils ont fait le tahrij des hadiths de, par exemple, de certains livres de fiqh, comme Bulugh al-Maram, par exemple, l'imam Ibn Hajar, il a fait le tahrij ou plutôt il a extrait les hadiths qui sont utilisés dans les madhahib, dans le madhab al-Shafi'i, il les a réunis dans un livre. Il y a par exemple le tahrij des hadiths aussi dans le madhab al-Hanbali. Cheikh al-Albani, il a écrit le livre qui s'appelle Irwa al-Ghalil. Irwa al-Ghalil, c'est le tahrij des hadiths qui sont mentionnés dans Manar al-Sabil. Manar al-Sabil. Manar al-Sabil qui est le sharh de Dalil. Est-ce que c'est Dalil al-Talib? Je pense que c'est Dalil al-Talib. C'est le livre de fiqh de base qui est à la base du livre, je pense, de Manar al-Sabil. À la kulli hal, c'est dans le madhab al-Hanafi, il y a aussi un livre comme ça pour expliquer pour faire le tahrij des hadiths du madhab al-Hanafi, la même chose. J'ai oublié le livre, on l'a déjà cité, j'ai oublié le titre. Et dans le madhab al-Maliki, probablement qu'il y a la même chose. Wallahu a'lam. Donc ici, le cheikh, il mentionne ces points-là. On a terminé donc ce point. Il reste il mentionne encore un autre parmi les méfaits. Je pense qu'on va être capable de le terminer, le chapitre, aujourd'hui, inshallah. Il dit « Wa min madar al-taqlid wa al-ta'assub inkaru ijma' al-muslimina amalan. Inna al-umma ijtama'at ala sihhati ma fi sahihayn siwa ma antuqida minhu. Walakin min ahadith al-sahihayn ما هي واضحة الدلالة صريحة في المعنى لا غموض فيها يخالفها أصحاب المذاهب ومثاله تحريم لحم الخيل وإشعار الهدي وغيرهما وإنما يتركون العمل بهذه الأحاديث المجمع على صحتها لأجل أقوال منسوبة إلى الأئمة لا يدرون صحة نسبتها إليهم وإنما يتبعون فيه الظن فالأصول التي أصلوها تقتضي أن يتركوا الظن ويعملوا باليقين الذي عليه الإجماع والأصوليون اتفقوا على أن الإجماع يقيني وهو مقدم على آثار الصحابة المنفردة والقياس كما ذكرت ذلك في بحث أصول الأئمة في كتاب الاتباع. طيب, le cheikh, il explique que ici, il dit parmi les méfaits du taqlid, du suivi aveugle et du fanatisme, il y a le fait de rejeter le consensus des musulmans en pratique. Parce qu'il dit que la Umma est d'accord sur l'authenticité de tout ce qui est dans Al-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim. Sauf ce qui a été critiqué de ces deux livres-là. Et il dit, Walakin, sauf que les hadiths dans Al-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, il y en a des hadiths qui sont clairs dans leur signification et qui sont explicites dans leur sens. Il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune difficulté à comprendre leur signification. Malgré ça, on trouve qu'il y a des gens, des différents madhahib qui contredisent ces hadiths-là. Et parmi les exemples de ça, l'interdiction de la viande du cheval, ou bien qu'est-ce qu'on appelle « ish'ar al-hadi », d'indiquer les offrandes lorsqu'on amène des animaux pour sacrifier comme une offrande durant le Hajj. Hein, il y a Ish'ar al-Hadi, c'est-à-dire d'indiquer que ces animaux-là sont comme offrande. Il y a une marque qu'on fait sur l'animal. Et d'autres également parmi les hadiths à ce sujet-là. Et il dit qu'il délaisse la pratique de ces hadiths sur lesquels la Ummah est d'accord au sujet de leur authenticité. Et il délaisse ces hadiths-là pour se baser sur des paroles qui sont attribuées aux imams, alors qu'ils ne savent même pas l'authenticité de ce qui est attribué à ces imams-là sur ces questions-là. Et il délaisse ce qui est authentique pour suivre ces paroles dont ils n'ont aucune certitude à leur sujet. Donc, ils ne font que suivre de la conjecture en réalité et des choses qui ne sont pas certaines. Il dit alors que dans les fondements qui ont été établis dans les principes des ulama, c'est qu'il faut délaisser ce qui n'est pas certain. Il faut délaisser ce qui est une conjecture, ce qui n'est pas certain, et agir selon qu'est-ce qui est certain. Et parmi les exemples de ce qui rentre dans ce qui est certain ici, il y a le consensus. Parce que les savants de fiqh et les savants de usul, plutôt, ils sont d'accord sur le fait que l'ijma, c'est yaqini. C'est-à-dire le consensus, c'est quelque chose de certain. Et ça, par conséquent, ça doit avoir une précédence sur les narrations individuelles de certains compagnons, des compagnons, lorsque c'est des paroles de compagnons qui sont des compagnons, des citations individuelles, ou sur même l'analogie qui peut être faite, hein, une analogie. Donc, l'ijma est la précédence sur ça. Et il dit, j'ai mentionné ça dans la question des fondements des imams dans mon livre Al-Ittiba, parce que le cheikh Wasiullah, il a écrit un livre sur ce sujet-là, sur les fondements de Usul, et il parle de ça dans son livre Al-Ittiba, il parle de ça. Ensuite, un autre exemple qu'il a mentionné, il dit وَمِنْ مَسَاوِ التَّعْصُبِ الْمَذْهَبِي مُعَادَاتُ بَعْدِ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ الْآخَرِ حَتَّى حَصَلَ إِذَاءَ بَعْضِهِمْ لِبَعْدِ لِمَا تَمَكَّنَ أَحَدُهُمْ مِنَ الْآخَرِ أَوْ لَمَّا تَمَكَّنَ أَحَدُهُمْ مِنَ الْآخَرِ وَقَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَ هَذِهِ الْوَقَائِعِ فِي سَبَبِ تَأْلِيفِ كِتَابِ الِاتِّبَاعِ وَقَالَ الْحَمَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ فِي ذِكْرِ أَصْبَهَانَ وَقَدْ فَشَى الْخَرَابُ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة. Donc, le cheikh explique que parmi les méfaits du fanatisme aveugle, il y a que certains savants d'un madhab ont une haine, une animosité envers les gens d'un autre madhab, au point où ils vont même leur faire du tort, hein, s'ils ont la capacité de le faire. Et ça, c'est arrivé dans certains cas, et le cheikh, il a mentionné des exemples de ça, parmi les exemples de qu'est-ce qui s'était produit entre les membres de certains madhahib. Il a cité ça dans son livre Al-Ittiba. Et il cite un exemple ici, qu'est-ce qui est mentionné par Al-Hamawi dans son dictionnaire des différentes villes, des différents pays par rapport à la ville de Asbahan. Il a dit que la destruction ou bien Al-Kharab, c'est-à-dire la destruction a été propagée à cette époque-là et avant à cause de beaucoup de troubles et de fanatisme entre les Shafi'i et les Hanafi. Et il y a eu des guerres entre les deux groupes. Et on a vu que certains parmi ces gens-là ont profité pour détruire ou brûler les choses des autres. Ils n'avaient ils ne respectaient à ce sujet-là aucun serment et aucun engagement. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, wa fi dhikri tarjamat al-ray, qal wa attafaqa anni, اجتزت في خرابها في سنة 687 هجريا وأنا منهزم من التتار فرأيت الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخراب إلا أنها خاوية على عروشها فسألت رجلا من عقلائها من عقلائها عن السبب في ذلك فقال أما السبب فضعيف ولكن الله إذا أراد أمرا بلغه وكان أهل المدينة ثلاث طوائف شافعية وهم الأقل حنفية وهم الأكثر وشيعية وهم السواد الأعظم لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة كان نصفهم شيعة وأما أهل رستاق فليس فيهم من الشافعية أحد فوقعت العصبية بين السنة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعية وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشيعية ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها للشافعية وهذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن الله نصرهم عليهم وكان أهل الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك يساعدون أهل نحلتهم فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم فهذه المحال الخراب التي ترى في محال الشيعة والحنفية وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محال الري ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه ووجدت دورهم كلها مبنية أو كلها مبنية تحت الأرض ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك فعلوا ذلك لكثرة ما يعني يطرقهم من العساكر بالغارات ولولا ذلك لما بقي فيها أحد يعني سبحان الله ici le cheikh il mentionne un exemple aussi de la ville de Ray qui est citée dans le même livre Mu'jam al-Buldan et il parle ici de qu'est-ce qui est arrivé dans cette ville comme destruction. Et il dit que yani quand il dit il dit qu'il a trouvé les murs détruits, mais il dit quand il a vu le temps que ces murs-là ont été décrits et que la ville a été comme abandonnée, il a demandé la cause. Pourquoi cette ville-là elle a été détruite et pourquoi les murs étaient détruits et pourquoi la ville était abandonnée de cette façon? Et il explique que la cause était une cause faible en réalité parce que il y avait trois groupes dans la ville. Il y avait les Shafi'iyya qui étaient les moins nombreux, les Hanafiyya qui étaient les plus nombreux et les Shi'a qui étaient la grande majorité. Il dit que les Shi'a ils étaient la moitié même de la population de la ville. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens de cette ville-là, ils se sont mis ensemble, les Shi'a et les Shafi'iyya et les Hanafiyya, qui sont les gens de la Sunna, se sont mis d'accord contre et se sont mis ensemble contre les Shi'a. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de Shi'a dans la ville. Après, ils ont commencé à se battre entre eux. Les Hanafiyas contre les Shafi'iyas. Et les Shafi'iyas contre les Hanafiyas. Il dit, malgré que les Shafi'iyas étaient moins nombreux, ben, ils ont quand même réussi à battre les Hanafiyas. Et finalement, il y a des Ahnaf d'une autre ville qui sont venus même avec des armes pour essayer de les défendre les autres qui étaient avec eux dans leur madhab. Et malgré ça, ça ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas capables de battre les Shafi'iyas. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a eu des guerres, et même des guerres entre les gens des différents madhab. C'est pour montrer à quel point parfois, ce genre de fanatisme-là peut même amener à ce que des gens de la même religion, on est tous musulmans, et puis on s'entretue et on se bat entre nous à cause du fanatisme. Parce que c'est certain que l'imam Abu Hanifa n'aurait jamais accepté et n'aurait jamais été d'accord que des gens se battent que les gens de son madhab se battent avec les Shafi'iyas. La même chose pour l'imam Shafi'i. Il n'aurait jamais accepté qu'il y ait des guerres entre lui et les gens d'un autre madhab, parmi les madhab des ulama. C'est-à-dire que les ulama, ils n'auraient jamais toléré et accepté ce genre de comportement et ce genre d'attitude-là. Malheureusement, c'est ça ce qui est arrivé. Il dit, وذكر السيد رشيد رضا رحمه الله في تقديم كتاب المعنى المغني كلاما طيبا في التأليف بين أرباب المذاهب تحت عنوان تحقيق الحق في اختلاف الأمة وسيرة الأئمة فأجاد وأفاد. Donc ici le cheikh il cite Rachid Rida parmi les savants de l'Égypte. Rachid Rida. Mais il faut savoir aussi que par rapport à Rachid Rida et aussi, comment il s'appelle, Rachid Rida, il y avait aussi son cher Mohamed Abdo et Al-Afghani, comment il s'appelle. En tout cas, il y a ces trois-là qui, eux, avaient une position ou une attitude par rapport à certaines questions, il y en a dans lesquelles ils sont en contradiction avec les gens de Ahl Sunnah. Donc, il faut faire attention, il faut faire attention quand on parle de ces individus-là, parce que lorsque on écoute certains propos de la part de certains orientalistes ou certains spécialistes parmi les occidentaux qui parlent de la salafia, ils essaient de faire croire aux gens que c'est ces gens-là qui ont inventé la salafia. Ils disent la salafia, elle a été inventée par Abdul, comment il s'appelle Abdul? J'ai oublié son nom, mais je sais qu'il l'appelle Al-Afghani, et son élève qui était Mohamed Abdou et Mohamed Rachid Rida. Et ils disent à propos de ces deux-là qu'en réalité, surtout à Al-Afghani et Mohamed Abdo, qu'ils faisaient partie même de la franc-maçonnerie. Et c'est des gens qui ont vécu des longues périodes de temps en France, qui ont voyagé en France, qui ont vécu là-bas. Même que Al-Afghani, il avait... En réalité, ils disent qu'Al-Afghani s'appelait Al-Afghani, mais c'était un Iranien en réalité. Et en réalité, c'était pas il ne faisait pas partie de Ahl Sunnah, c'était un chiite. Et il a beaucoup d'idées et de positions qui sont contraire à la sunna. Et il a vécu en France, il a même fondé un journal qu'il a publié de là-bas, qu'il écrivait. J'ai oublié le titre, mais c'est juste pour dire que cet individu-là, il avait des positions et des attitudes vraiment incorrectes. De même que Mohamed Abdo, il a fait beaucoup de fatwas à son époque qui étaient contraires à la sunna. Le fait qu'il rejetait le fanatisme au madhahib et que parfois il se référait par exemple à des livres d'Ibn Taymiyyah, certains ont déduit de ça que ça voulait dire que ce sont des salafis. Sauf qu'on sait très bien que la salafia c'est beaucoup plus qu'une attitude vis-à-vis des madhahib et que c'est beaucoup plus également que de se référer aux livres d'Ibn Taymiyyah. Quelqu'un peut se référer à Ibn Taymiyyah et ne pas être salafi. Il y a beaucoup de khawarij à notre époque et des takfirines qui prétendent être sur la sunna et qui se réfèrent à Ibn Taymiyyah et à Muhammad ibn Abdul Wahhab, et qui pourtant n'ont rien à voir avec la salafia. Hein? C'est des takfiriens et des khawarij. Wa alaykum salam, barakallahu fik. Eh, mashallah, narak, inshallah, sa'azurukum, inshallah. Et la même chose aussi pour ces individus-là, donc il faut faire attention à ça. Et Yanni aussi, il défendait beaucoup d'opinions et d'attitudes parmi les attitudes des Mu'tazila. Certains savants ont même dit que ces gens-là, comme Al-Afghani et Mohamed Abdou, c'était en réalité des rationalistes. Hein? Même que, je pense que c'était Mohamed Abdou qui disait que les djinns, c'était les bactéries, des choses comme ça, hein? Ou les microbes. Donc, il disait, à l'époque, les gens, ils ne savaient pas ça parce qu'ils n'avaient pas des microscopes. Maintenant, on a découvert l'existence de ces organismes qui sont très petits avec les microscopes. Donc, on sait maintenant que c'est ça, les djinns. Donc, ça, c'est totalement bâtil. Hein? Ça n'a rien à voir. Mais ça fait partie des exemples de positions qu'on a trouvées de la part de ces individus-là. Mais... De les attribuer comme ça à la salafia, puis de dire que ce sont eux qui ont carrément fondé la salafia, ça n'a rien à voir. Déjà, la salafia, elle existe bien avant eux, parce que Mohamed Abdou et Rachid Rida et Al-Afghani, ils ont vécu il y a quelques siècles, peut-être un ou deux siècles en arrière. Donc, la salafia, elle existe depuis l'époque des Sahaba, donc tu ne peux pas dire que c'est eux qui l'ont inventé. Mais la raison pourquoi ils cherchent à tout prix à prétendre que c'est des gens comme ça qui ont inventé la salafia, parce qu'ils essaient justement de faire croire aux gens que la salafia, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est innové. Ce n'est pas quelque chose qui est authentique dans l'islam ou quelque chose qui recule à l'époque des Sahaba. Donc ils veulent à tout prix essayer de l'attribuer à quelqu'un qui est à notre époque, pour essayer de faire croire que c'est ça la salafia. Comme ils disent par exemple que la salafia, c'est par exemple Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Rabi, hein? Ou bien que c'est Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, ou Cheikh Ibn Taymiyyah. Yani, ça, c'est parmi les savants qui font partie des savants de la salafia. Hein? Et pourtant, tu vois que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed font partie des imams des salafs. Mais ils ne les citent jamais comme exemple. Pourquoi ils ne les citent pas comme exemple? Alors qu'eux aussi font partie des imams des salafs. Mais ils ne les citent pas comme exemple parce qu'ils savent très bien que les musulmans en général dans le monde, ils se réfèrent à ces imams-là. Et si tu dis de ces imams qu'ils étaient salafis, ça crée chez les gens un attachement à la salafia. Parce qu'ils vont dire, ah, si eux sont salafis, donc nous aussi, on doit être salafis. Tous les imams de l'islam sont des salafis parce qu'ils s'accrochent au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs. Donc, pour eux, c'est difficile à comprendre. Ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça ce qu'ils veulent que les gens comprennent. Ils veulent que les gens comprennent que la salafia, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelques jeunes hein, dans des quartiers qui se tiennent ensemble et qui s'habillent d'une certaine façon, c'est ça la salafia. Alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est l'islam, en réalité, c'est l'islam au complet qui est la salafia. C'est l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé, c'est ça la salafia. C'est la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est ça la salafia, c'est pas autre chose. Et il n'y a pas multiples ou diverses versions de la salafia ou différentes sortes de salafi. En réalité, il ne doit y en avoir qu'une seule, puisque il n'y a qu'une seule sunna. C'est la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui divisent les salafis en salafi jihadi, salafi siyasi, salafi ilmi, ça, cette division-là n'ont aucun support. Et cette division ne se base sur rien, hein, ne se base sur aucune preuve parmi les principes de l'islam. C'est des divisions qui ont été créées par des orientalistes, hein, et qui essaient d'inclure dans la salafia des groupes parmi les groupes qui ont dévié de la sunna, comme les takfiriyin et les khawarij et les ikhwan al-muslimin. Ils essaient de les faire passer pour des gens qui sont salafis, pour induire les gens en erreur et pour, en même temps aussi, pour se permettre de combattre les musulmans d'un seul coup. Hein, tous les musulmans, toutes les tendances, ils les réunissent ensemble en disant tous ces gens-là sont tous des salafis, et pour en même temps justifier les attaques et les critiques qu'ils font contre les salafis en disant de toute façon, toutes ces tendances-là, que ce soit des khawarij, que ce soit des ikhwan, ou que ce soit des salafis réels, dans tous les cas, ce n'est pas grave parce que pour nous, tous ceux-là sont une seule catégorie, ce sont des salafis. Hein? Alors qu'on sait très bien qu'il y a une grande différence entre les khawarij et les gens qui sont sur la salafie réellement, et également une grande différence entre les gens de Ahl Sunnah et les Hizbiyin et les Ikhwan, ou que ce soit les Qutbiyin ou les Sururiya, la même chose. Tout ça, c'est des groupes que ces gens-là mélangent avec les salafis, et la salafia est innocente de ces groupes et de ces individus. Donc, le Cheikh Wasiullah, hafizahullah ta'ala, il mentionne donc que Rachid Reza, il a un livre qui s'appelle Tahqiqul Haqq fi Ikhtilaf al-Umma wa Sirat al-A'imma. Donc, dans ce livre-là, Rachid Reza, il mentionne que il mentionne des choses par rapport justement au fanatisme vis-à-vis des madahib. Et eux, ils ont beaucoup combattu ça. Mais parfois, il y a des gens qui combattent le ta'assub au madahib, mais qui le combattent, mais pas pour la vraie réalité, la vraie intention de ramener les gens à la sunna. Ils combattent les madahib pour les ramener à des idées qui contredisent justement la sunna. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des gens qui s'attachent à un madhab de façon aveugle et fanatique, et ils vont critiquer ça. Mais pas pour les ramener à la méthodologie des salafs ou pour les ramener à la sunna, mais uniquement pour leur permettre de suivre leurs désirs et leurs passions. Comme par exemple, des gens qui, à notre époque, ils disent « Ah, mais on n'a pas besoin de s'attacher à un madhab ou de suivre un madhab. » Puis après, ils ne ramènent pas les gens aux dalils et aux preuves. Ils les ramènent juste à leur propre opinion ou à leur propre désir. Ils disent, il y a quatre madhabs, nous, on vit en Amérique du Nord. Et pour nous, la position la plus facile et la plus simple, c'est la position de Abu Hanifa. Donc, on prend la position de Abu Hanifa. Oui, mais est-ce que sa position est en accord avec la preuve? On ne sait pas, peut-être. Oui, non, ce n'est pas important pour eux. L'important pour eux, c'est que la position qu'ils ont choisie, c'est elle qui est la plus facile. Ils se basent sur la question de la facilité, comme si la facilité était une référence. Alors qu'on sait très bien que la question, ce n'est pas la facilité. La question, c'est de savoir est-ce que c'est authentique ou non, est-ce que c'est vrai ou non. Si la position la plus vraie, c'est celle qui est plus difficile, et que la position qui est facile, elle est fausse, on n'a pas le droit de prendre la position qui est fausse, même si elle est plus facile. Et ils essaient parfois de dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que s'il n'avait pas de choix entre, s'il avait jamais un choix entre deux choses halal, il allait toujours prendre la plus facile des deux. Oui, ça c'est vrai. Il prend toujours la plus facile des deux si les deux sont halal. Mais si c'est une question dans laquelle il y a divergence et qu'il y a une contradiction, une position qui est vraie et l'autre qui est fausse, eh bien, ce n'est pas maintenant de savoir si celle que tu veux suivre est plus facile ou non, mais c'est de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Wa alaykoum salam. Et si elle est fausse, tu n'as pas le droit de la suivre, même si elle est plus facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Donc ça veut dire, tu dois obéir à Allah et aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis il dit, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc ce n'est pas renvoyez-le à votre passion ou à votre désir ou à la facilité, mais c'est de renvoyer les choses aux preuves. Ça va, Hakim? Alhamdulillah. Abdul Hakim vient juste de venir. Et là, c'est toi qui viens maintenant. Je pense qu'Abdul Hakim, là, c'est la première fois qu'il... Je pense la première ou la deuxième fois qu'il vient ici, ouais. Ouais, de, le, oui, le frère de Farouk, mashallah. Tayyib. Un autre, on a presque fini, hein? On est à la fin, alhamdoulilah, de ce chapitre. Donc le cheikh dit wa min masawi at-ta'assub al-madhhabi at-tafarruq bi wa at-tafarruq bihi يعني تسلط الأعداء على المسلمين فكرا وقوة وذهاب قوتهم. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جاهد بسيفه التتار وبعلمه جميع المذاهب المنحرفة وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتار عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره أو يتعصب على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا وفي المغرب نجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا يعني كل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. Donc il dit le cheikh que parmi les méfaits du fanatisme et les causes de division qui en découlent, il y a le fait que parmi les méfaits de ta'assub, le fanatisme, il y a que les gens ils se divisent à cause de ça, et par conséquent ça donne aux ennemis de l'islam la capacité et la possibilité de prendre le dessus sur les musulmans à cause de ça, par leurs idées et par leurs forces, et le fait que les musulmans s'affaiblissent à cause de cette division là et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Anfal le verset 46: obéissez à Allah et au messager et ne vous disputez pas, ne divergez pas. Et sinon, vous allez échouer et vous allez perdre votre force. Alors, soyez endurants. Certes, Allah est avec les endurants. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, qui a lutté avec son épée contre les Tatars, les envahisseurs, les Mongols, les Tatars qu'on appelle en arabe. Et il a également lutté par sa science contre toutes les sectes déviées et les groupes déviés. Il a dit, et les pays de l'Orient, à cause du fait que les Tatars ont envahi ces pays-là et ont pris le dessus sur ces pays-là, on a vu qu'une des causes de ça, ça a été la division et les troubles qu'il y a eu entre les différentes écoles et différents madhahib, et d'autres également. Donc tu vois que ceux qui s'apparentent ou qui ont une appartenance à l'imam al-Shafi'i, ils s'attachent fanatiquement au madhhab de l'imam al-Shafi'i ou à d'autres, jusqu'à ce qu'ils sortent de la religion, et d'autres qui s'accrochent au madhhab aveuglément et fanatiquement au madhhab de l'imam Ahmad, et d'autres qui dans le Maghreb s'attachent fanatiquement au madhhab de l'imam Malik, et il dit, et tout ça ça cause de la division et de la divergence que Allah et son messager ont interdit. Il dit wa qala shaykh al-islam aydan kullu ha'ula al-muntasibin bil-batil المتبعين للظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتية بسطه فإن الاعتصام بالجملة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقا وقد تكون كذبا وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناقلين لذلك مصدوقون باتفاق أئمة الدين، والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc il dit ici le cheikh pour terminer que tous ces gens-là qui, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit également donc que tous ceux qui s'attachent fanatiquement à ce qui est faux et qui suivent leurs conjectures et ce que leur âme ont comme passion, ils suivent en réalité leur passion sans aucune guidance venant d'Allah, et ils méritent donc par conséquent le blâme et le châtiment. Et ça, c'est un sujet qui est vaste. On ne peut pas le traiter dans cette courte fatwa. Et donc, il dit, sinon, de façon générale, il faut s'accrocher aux preuves et au Coran et à la Sunna, et se mettre d'accord ensemble et s'unir sur les fondements de la religion. Donc, si les gens, ils divergent sur une branche, alors que cela, que la question sur laquelle ils divergent, ça fait partie des branches qui sont subtiles, qui sont cachées, inconnues de beaucoup de gens. Alors, comment on peut détruire une base pour préserver une branche, ou détruire le tronc pour préserver une branche? Ça, c'est pas possible. Et il dit, la majorité des gens qui s'accrochent fanatiquement à un madhhab ou à un cheikh, ils ne savent que très peu du livre d'Allah et de la sunna. Et il dit le cheikh, il s'accroche même à des hadiths faibles, à des opinions corrompues, à des récits de la part de certains ulama ou de certains shuyukh qui peuvent être vrais comme ils peuvent ne pas être vrais. C'est des récits et des narrations qu'ils citent de la part de leurs savants ou de leurs shuyukh ou de leurs ulama qui peuvent être authentiques comme elles peuvent être des mensonges. Et il dit, et si elles sont vraies, eh bien les gens qui les ont mentionnées ne sont pas infaillibles. Et ils s'accrochent à des propos qui ont été rapportés de la part de personnes qui ne sont pas qui ne sont pas des rapporteurs connus pour leur honnêteté. Et ils citent des personnes qui ne sont pas authentiques. Donc comment tu vas laisser de côté, il dit, il délaisse la narration, la parole qui a été rapportée de la part de la personne qui est fiable et honnête et qui a rapporté la parole de celui qui est infaillible, c'est-à-dire le messager. Donc il laisse de côté les hadiths et il dit, et il laisse ce que les rapporteurs fiables et honnêtes parmi les hommes de science ont rapporté et ont écrit dans les livres authentiques de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, ces hadiths-là et ces paroles-là sont rapportées de la part des imams, et les savants de la religion sont d'accord sur leur honnêteté, sur leur authenticité, et ce qu'ils rapportent est rapporté de celui qui est infaillible, qui ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Donc comment tu vas laisser ça de côté et puis tu vas te baser sur des paroles qui ne sont pas, et tu ne peux pas prouver leur authenticité, et même si tu prouvais leur authenticité, il n'y a rien qui prouve que ce que la personne a dit était vrai, parce qu'il n'est pas infaillible, il peut se tromper comme il peut avoir raison. Donc comment tu laisses la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique pour suivre la parole de ses imams? Et il dit le cheikh, et c'est lui, c'est-à-dire le messager, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toute la création de lui obéir et de le suivre seulement, personne d'autre que lui. Et il mentionne deux versets dans le Coran à ce sujet-là, le verset 65 dans Sourate An-Nisa et le verset 63 dans Sourate An-Nur. Le premier verset dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'il t'ait pris toi, ô Muhammad, comme juge dans tout ce qu'il y a comme désaccord ou dispute entre eux, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu auras décrété et qu'ils se soumettent entièrement. Et l'autre verset qui est le verset 63 dans Sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fasse attention, ceux qui contredisent son commandement, d'être frappés par une fitna ou d'être frappés par un châtiment douloureux. Et une fitna, les ulama ont dit, c'est le shirk. Hein? C'est le shirk. Donc qu'ils prennent garde, ceux qui contredisent son commandement, qu'ils prennent garde son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une menace à toute personne qui contredirait la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui contredirait sa voix. Et il les menace de quoi? D'une fitna ou d'un châtiment douloureux. Donc ça, c'est extrêmement sévère. Et il n'y a pas cette menace-là pour personne d'autre que pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la fin de ce chapitre ou de cette section. Le chapitre suivant, ça va être Al-Faslu al-Hadi Ashar, Hal yastarni ou yustarna an kitab Allahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bil madahib al-mudawwana lil-ilmi wal-fatwa. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer du livre d'Allah et de la sunna du messager en se basant uniquement sur les madahib qui ont été mis par écrit, hein, pour la science et pour la fatwa? Est-ce qu'on peut se passer du Coran et de la sunna et se baser uniquement sur le hadith, se baser uniquement sur les madhab pour apprendre la science et pour faire les fatwas? Donc le cheikh, il va répondre à cette question-là et il va donner des exemples dans le chapitre précédent, le chapitre suivant. Et l'autre chapitre après, c'est Rasmul Fiqh Sahih Littarbiyati wa Ta'lim. Donc ça c'est l'autre chapitre qui suit, qui est le chapitre 12. Et il va expliquer dans ce chapitre-là c'est quoi la bonne voie et la bonne méthode pour enseigner le fiqh et pour étudier le fiqh. Parce que beaucoup de musulmans, ils ont des problèmes avec ça. Est-ce qu'on étudie avec un madhab? Est-ce qu'on n'étudie pas avec un madhab? Est-ce qu'on suit un matin? Est-ce qu'on ne suit pas un matin? Est-ce qu'on mémorise? Donc, le cheikh, il va donner des conseils et des exemples à ce sujet-là. Ensuite, l'autre chapitre qui est le chapitre 13, Al-Makhraj min al-Ikhtilaf, c'est-à-dire l'issue. Comment on sort de cette divergence? Et finalement, la conclusion. Donc, il reste le chapitre 11, 12 et 13. Après, on a fini, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.